Bonjour tout le monde, mon nom est Patrick Archambault, bienvenue au podcast LPSN. Nous sommes le 17 décembre 2011. Tout le monde. Vous aurez la chance d'écouter la version longue de notre conversation de samedi dernier qui avait comme invité Steve Lévesque. Nous avons pris le temps de discuter des films, jeux vidéo et CD de musique qui ont marqué notre année 2011. En première partie, nous avons pris le temps de discuter du congédiement de Jacques Martin, toute l'équipe ensemble, nos appréciations et bien entendu nos non-appréciations sur l'ancien coach du Canadien qui venait de se faire congédier. Si la conversation ne vous intéresse pas sur l'ancien pilote du Canadien de Montréal, vous avez une version courte qui est également disponible. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, merci de nous avoir téléchargé et on se retrouve après le podcast. Personnellement, c'est certain que, alors qu'il est peut-être vieux, mais c'est un petit peu plus ou moins attendu, on peut dire, là. Sinon, il est pas mort, Skrillex, je viens de checker ça sur Google. Non, mais il est pas mort, partout. Voyons donc, c'est ça, je checkais ça. C'est ça. Je me demandais, là, t'as mis un doute dans mon esprit. Inception. François Gagnon qui dit « Je veux bien croire que vous m'en voulez ce soir, mais je crois que les huées au Centre Bell ne me sont pas destinées. » Ah, faut croire que c'est pas le coach, hein? Ah, mais de toute façon, le François Gagnon, là, il a une réputation, là, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est personnellement, je trouve que c'est le meilleur journaliste sportif qu'on a au Québec. RDS? À mon avis, là, c'est vraiment François Gagnon. Je suis d'accord à certains points, comme je sais pas si tu as lu le billet aujourd'hui qu'il a écrit pour le cas Jacques Martin, justement. Lui, il est pauvre Jacques Martin, au bout. Mm-hmm. Il dit que c'est un excellent coach, nanan. Oui. Sauf qu'en même temps, excuse-moi, mais le gars, il n'y avait pas de vie en arrière du banc. On dirait qu'il n'aimait pas ça, jouer au hockey. Mais de toute façon, personnellement, je l'ai rencontré, Jacques Martin, et puis je pense qu'il respecte quand même très bien les partisans. Là. Ça, je peux. Ah, oh, je suis complètement d'accord. Je peux donner ça à Jacques, puis il est très respectueux, mais peut-être un petit peu trop. Je pense qu'il a trop d'empathie. Il est peut-être trop gentil. Mais que c'est ça. Ouais, peut-être trop gentil, peut-être, je sais pas. Je trouve qu'il avait pas l'air d'avoir l'étincelle qu'il faut pour être un bon coach là, du Canadien. Ça prend quelqu'un qui va se lever sur le banc, qui va crier, parce que nous, les fans, c'est comme ça qu'on est. On se lève sur le banc et on crie. Ouais. Mais en même temps, c'est drôle, mais à mon avis, on oublie rapidement que c'est lui qui nous a emmenés en finale de conférence. C'est lui. Il y a un certain Yaroslav, là. C'est ça, via. Ouais, c'est un fait. Qui nous a fait rêver à la Coupe cette année, le temps de peut-être de quelques séries éliminatoires. Ça a vraiment donné ça. Il faut vraiment donner ça à Jacques Martin. C'est lui qui a voulu utiliser Yaroslav Halak, même si c'est en fait Carey Price que Bob Guéné et Pierre Gauthier avec paille. Halak était un feu de paille. C'était un Jim Carrey. Ah, effectivement. C'est un Théodore. Théodore. C'était un Jim Carrey. C'était un fruit pie. C'était un gars d'une seule saison. Ouais. Price, je l'avais vu dans les compétitions de junior. Puis le gars gagnait tout. Puis le gars, c'était mindé d'avance. Je suis numéro 1 par tout ce qui a passé. Puis là, s'il se fait dire, je suis numéro 2, le gars, il était découragé. Moi, c'est la même chose où ce que je travaille, puis partout ce que je passe. Puis je pense que... Tylex, peut-être que ton son est pas fort. Ben, je pense que je parle pas. Ah, OK. Lynn, il paraît qu'Alex parle pas. Hein? C'est Lynn qui vient de m'écrire ça sur Justin. Et bonjour, Lynn, en passant. Bonjour, Lynn. Salut, Lynn. Mais non, je parle pas beaucoup pour l'instant. On est juste en pré-show, là. Qu'est-ce que je peux te dire? il paraît que ton son de micro est pas fort. Fait que... Non, mais c'est ça. Mais, tu sais, j'essaie pas de parler trop fort non plus. Puis, je sais pas pourquoi. J'ai jamais parlé fort. Pat, juste une petite info comme ça. Est-ce que tu enregistres en mono en ce moment, là? Oui. OK, parce que tu t'en souviens des petites critiques qu'on a eues, là, qu'on a enregistrées en stéréo, puis on entendait d'un écouteur puis de l'autre, ça c'était vraiment... J'enregistre en mono, mais comme j'ai dit, de toute façon, c'est un pilote, fait que ça se peut encore qu'il y ait des petits ajustements à faire, là, fait que... Mais de toute façon, c'est vraiment ça, le mono, puis de toute façon, on nous en a parlé, on nous a fait l'information, fait que c'est peut-être mieux comme ça, donc voilà. Non, là, Est-ce encore que ton son il est pas fort comparé à celui de Pat? Ouais, mais c'est que moi, j'ai une grosse voix. J'ai une grosse voix aiguë, fait que... Et moi, je vais juste vous avertir. Personnellement, moi, j'ai des problèmes respiratoires, fait que c'est pour ça. Puis moi, j'irais beau chuchoter, je vais parler fort. Ouais, ben c'est ça, on entend quand même assez bien, Fait que... Puis mon micro, j'ai payé pour à l'époque. Fait que non, c'est... Ça, c'est un problème que j'ai dans ma famille. J'ai toujours eu ce problème-là depuis toujours. J'ai une voix forte. Je sais pas pourquoi. J'ai une voix qui porte. C'est... Je suis de même. Le Tu monde... peux-tu remplacer René Angélil, toi? Ben là, c'est le On va te croire contraire. quelque chose. On va René comprendre. Angélil, il n'y a pas de voix, c'est pas ça. Hein, il n'y a pas de voix, il chuchote. Eh oui, c'est ça. Il Non, parle Lynn, je veux... Hé, de René hey, attendez les gars. Angélil. Lynn, je veux tes commentaires, j'en ai besoin. T'as de l'expérience, j'y veux, s'il vous plaît. J'y veux. Je veux tes commentaires. Parce que Lynn a dit, oh, j'irai plus Ça rien s'appelle au d'abord. secours avec Oui, une non, j'ai... présentation Hé, hey, y a-tu pratique. un but? Ou c'est un... Non. Ah non, c'est l'arrêt de jeu. Ben oui. 5-3, c'est fini. 5-3. Ah, c'est sûr que c'est fini, c'est New Jersey, mais bon, tu sais. Yep. Là, la préparation, c'est fini, là. Oh, Puis, ben ça regarde. quitte en masse. Puis, non, vraiment, là, moi, je vais vous dire en affaire, là, les séries éliminatoires pour le Canadien, il a oublié ça cette année. That's it, that's all. Ah, On se je suis pas reprendra. prêt à dire ça. Je suis pas prêt à dire ça. Ben, c'est bien parti pour ça, on va dire. C'est bien parti, mais rien n'est fini tant que c'est pas fini. Ouais, Regarde c'est ça. Mais. Jacques Lemaire l'an passé, il est arrivé en milieu de saison, là, puis c'était une question de but pour qu'il fasse une série, là. C'est Il une question de temps, on peut dire, surtout. a... Ah, même pas, il a eu le temps. Je pense qu'il était un match down, quelque chose comme ça. Un match short, puis il les faisait, là, ces séries-là. On regarde, les joueurs nous l'ont prouvé dans les dernières années aussi qu'ils sont capables de le faire. C'est juste une question de passion et de cœur, je pense, plus que d'autres choses. Et il y a le fait aussi que si ça marche bien avec l'entraîneur, ça donne une chance parce que les joueurs ont envie de jouer. Puis plus que Voilà. s'ils ont un entraîneur que, tu sais, qui aime pas leur façon de jouer, puis il aime pas jouer pour lui. Puis fait que, tu sais, c'est comme aller travailler puis pas aimer ta job. Ah, c'est sûr que quand Sais, t'as un tu seras pas mollusque en productif, arrière du là. banc, là. En principe, mais non, vraiment, c'est ça. Donc, je pense que en tout cas, ça avait bien marché avec Guy Carbonneau. Je ne veux pas ramener le sujet, mais en tout cas, on se comprend. Donc, voilà. Ben, tu peux C'est ramener le bon. sujet si ça te tente. Mais il y avait beaucoup de passion, on peut dire, Guy Carbonneau, là, ça a bien fonctionné, son affaire. Fait que voilà. Ben, mais. Au début. Ouais, Au mais début. Carbonos, peut-être parce qu'il y en a qui disaient qu'il parlait trop. Il Là, parlait il trop. parlait trop, puis là, Jacques Martin, il parlait pas assez. Hey, on est bien bons à Montréal, nous autres. Moi, ce que. Je sais pas si vous êtes comme moi, les gars. Ça fait plusieurs années qu'ils disent qu'il est supposé d'avoir Vincent D'Amfousse, qu'il y a des contacts partout, qu'il se demande encore comment ça se fait qu'il n'y a personne qui demande de joindre à l'équipe d'un directeur général dans une équipe. Pourquoi? Intelligent, le gars, en plus, là. Ben, Pas un deux pics, ça, là. Serge Savard, là, c'est un des meilleurs directeurs généraux de la Ligue nationale, là. Un des meilleurs qu'on a eu à Montréal, puis... Puis le pire, c'est le dernier à avoir ramené la Coupe Stanley à Montréal. Fait C'est que. ça. Fait que moi, je me dis peut-être que Danfousse pourrait faire le meilleur job que Réjean Houle, qui était mauvais, là. On se l'entend, là. Fait Puis en que... ce qui concerne, je veux dire, en ce qui concerne Patrick Roy, parce que tout le monde le dit. Ah, ben... Sérieusement, moi, Ça, je lui, il m'arrête paraît bien plus là-dessus. que Carbonneau. Là. Il est dans la même lignée que Carbonneau, là, c'est certain. Non, Fait non, que. lui est une lignée à part, là. T'auras beau... Ouais, mais Non. dire de genre de parle trop Je mal. me demande des fois si c'est pas pour ça qu'il va pas dans la LNH. C'est à cause de ça. Il pourrait plus être comme QA dans le... C'est ça, il aura pas la même il aura pas la même chance Il aura pas que dans carte la Ligue blanche, mineure, c'est ça, les ligues dans juniors. la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il n'y C'est aurait ça. plus la même Je sais pas pour vous attitude. autres, moi je verrais Bob Hartley en arrière du banc. Ben, Il me semble ouais, mais il y a la, il y a le, Bob il y a en ce le... moment, il est en Europe. Ouais, mais. Ouais, mais même à ça, il y a le franc-parler, il y a de Entends. l'énergie. On l'a vu dans la série Montréal-Québec, il est Ouais, capable puis de gueuler, t'entends le aussi gars. ah, Comme comment? compare pas série Montréal-Québec avec le reste. Non, non, Ça, non, non. Non, je compare pas. Je compare c'était pas. Mais ce que je sinon. veux dire, c'est que le gars, il a un franc-parler quand même. Moi, je pense que peut-être qu'il serait capable de faire une bonne job. C'est pas le gars qui a eu la meilleure fiche dans ses autres équipes avant, mais avec le Canadien, regarde, tout est tout le Bon, temps une Hockey, différence en fait. je peux dire tout de suite qu'il a gagné la Coupe Stanley en 2001 avec l'Avalanche Colorado. Oui, mais regarde. Ouais, mais dernièrement, en Europe, ça fait dur, là. Je pense qu'il y a plus de défaites que de victoires en ce moment, Ouais, mais. là. Ouais. Oui, mais Bob Hartley, oui, il a donné la Coupe Stanley à Colorado, mais pourquoi il n'a jamais été engagé, un, par aucune autre équipe après Atlanta? Et deuxièmement, excuse-moi, mais Québec-Montréal, là, c'était beaucoup trop scénarisé. Oh, Fais, c'était trop fais-moi scénario. pas. Je l'ai déjà expliqué. Québec-Montréal, c'était le CV de Québécois, comme l'avait fait Desnay à l'époque pour les Mighty Ducks. C'était le CV de Québécois pour dire à la Ligue nationale, Québec est prête pour une équipe, voilà la Ah, preuve. c'est clair. Suite après, en plus, il signe pour le nouveau stade à Québec. Tout est comme trop bien organisé. Sais, là, comme là, il essaie de nous faire à croire qu'il y a un deuxième groupe de personnes à Québec, mais voyons donc. Tant que j'aurais pas de nom puis de chiffre, là. C'est ça. C'est comme à l'époque où, quand, quelques, 2 semaines avant que Roger Bouloute s'en va avec le Journal de Montréal, ah, j'ai eu des communications de certaines personnes que je peux pas nommer le nom qui seraient intéressées à ramener les expos à Montréal. Ben oui, puis 2 semaines plus tard, tu te fais engager par le Journal de Montréal. Tu viens quand même à te dire c'est qui veulent ramener les expos à Montréal. C'est comme Joël Bouchard que ah, oh, je viens de me faire donner 4 millions pour acheter l'armada de bébé, puis je viens de donner ma démission à RDS. Je pense que c'est dans l'entente qu'il regarde, pas cette saison, parce qu'il est encore sur contrat avec RDS, mais pour 2012-2013, mais il va s'en aller avec TVA Sport. Ah, ça, c'est sûr. Mais de toute façon, TVA Sport, là, je m'excuse, là. C'est une des pires gagnes. Regarde, c'est Sport ma tante, là. C'est ça. Il y avait un soir, c'était du rodéo, puis il n'y avait pas de commentateur, là. C'était les commentateurs dans la place, là. C'est Sport ma tante, Pathétique. là. Ah, écoute, là, tu sais, tu veux te loguer l'après-midi, t'as rien à faire, il y a 3-4 heures l'après-midi. T'as RDS, c'est une bonne émission, un match de football, quelque chose de vraiment intéressant. Tu switches à TVA Sport, puis c'est soit les quilles ou le mini-pot, là. C'est ça, ben là, à date, TVA Excuse. Sport, je peux leur dire que c'est sûr qu'ils n'ont rien en ce moment. Mais Mais c'est ça. c'est les débuts. Regarde, t'as la NBA qui ont réussi à signer. Ça va être bien, ça. Ça, Ça. sérieusement, je trouve que c'est un bon coup de leur part. Bon, les matchs des sénateurs, qui va les écouter dans la gang? Pas moi. Pas moi. J'aurais plus aimé qu'ils vont voir la Ligue nationale de hockey. On peut savoir les droits des autres matchs. Moi, ça m'intéresse. Un samedi soir, quand les Canadiens affrontent Columbus, excuse-moi, mais si tu me montres le match Washington-Pittsburgh. OK, il Wow. faudrait que je baisse le son de mon micro. Ça Ouais. se ça? En principe, oui, c'est dans les menus de Skype. Ah, par défaut, je pense que tu laisses Windows Ouais, là, gérer tu l'as déjà automatiquement. monté en tabarouette, en tout cas, ça s'entend, là. Faudrait que je baisse mon micro. Moi, c'est pas pire, Fred D, à l'appareil, hein? Ça a-tu de l'allure, ou... C'est pas moi, là, Dites-moi pas c'est que tu gel pendant ce ça. temps-là, parce que c'est que... Paramètres audio. Oh boy! Ouais. Non, c'est que je viens de voir où ce que je suis, c'est juste. OK, parce qu'on peut le régler automatiquement également, fait que... OK, y en a-t-il qui peuvent me dire si c'est encore trop fort? Non, ça a bien l'allure. Non, c'est bien correct. Moi, c'est-tu assez fort ou pas assez ou... Parfait. OK, ben, je vais parler Dis-moi de même. quoi ça a l'air. Ça a l'air bien correct. Ouais. OK, Lynn vient de me dire c'est mieux. Merci beaucoup, Julien. Bon. Oui, merci, Daniel. Merci. En Puis moi, passant, ben, c'est très apparemment, chic. qu'il est jamais assez fort. Fait que... Oh. Hey, il y en a un qui vient de dire qu'il y avait eu une compétition d'agents téléguidés à TVA Sport. Ah, oui, je pense. Ah! Hey, Oh. imagine si ça avait été une des compétitions de ouais, mais d'avions téléguidés, c'est ça, mais là, il faudrait que ce soit des petits autos téléguidés à un moment donné, ça va être tellement drôle. La semaine prochaine, ne manquez pas la finale de pétanque en Ouais. direct à TVA Sport. Ouais. Tant qu'à y être, mettez du ping-pong, Colin. Ben, tu sais, tu regardes en. Animé par. Non, j'ai Yannick. Animé par Yvan Ponton. J'ai Il était Yannick bien, sur par exemple. Justin.tv qui vient de dire animé par Andy Dufresne.

En tout cas, je pense que de ce côté-là, il y aurait plus de chances. Mais pour continuer la discussion que vous aviez avant, Harry Potter, pourquoi que je trouve ça génial, génial, génial, c'est que du premier livre, c'est vraiment ultra enfantin jusqu'au dernier livre, que c'est super adulte. Ils ont su bien garder leur fans pour, puis ils ont bien gardé en considération que ces gens-là vieillissent. Ces gens-là veulent être surpris à chaque fois. Et puis là, dans le dernier, il y a des gens morts, du sang partout. Écoute, c'est Ouais, rendu ça n'a violent, aucun là. sens. Ouais. Mais c'est ça que je vais apporter, justement, nous autres, quand on était au secondaire, on commençait à lire Harry Potter. Puis même en 97, quand ça a sorti, ça a été une folie. Mais avec les films, c'est sûr que ça a aidé, mais ça a vraiment suivi le courant des jeunes qui ont commencé à lire. Cependant, c'est vrai que d'un petit enfant de 7-8 ans qui va aller voir L'Ordre du Phénix ou même les 3-4 derniers films, je m'excuse là, mais je le conseille pas ben parce que c'est vraiment si facilement 13 ans et plus à certains moments, tellement que c'est effrayant, là. Ah, Sérieusement, absolument, mon avis, ça avait pas de bon sens, là. les derniers films sont pas faits pour des gens jeunes. Ces Non, non, gens-là non. Pas des devraient, films, comme ça, un peu c'est... comme nous, ils en écouter un ou deux par année, C'est jusqu'à ça. temps qu'ils vieillissent assez pour qu'ils C'est puissent ça. écouter les films plus adultes Les de la fin. mains, à partir du deuxième film, ça a commencé à être gore. Tu sais, Harry Potter, spoilers, il se fait avoir un. Il se fait carrément planter un dard dans le bras, puis ça saigne au bout. Fait que, tu sais. Ouais, mais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a un autre commentaire, ouais? Ouais, mais c'est ça. Ben. Faut pas oublier Harry Potter, le public cible, comme que vous avez dit, a vieilli à longue, là. On Ouais, pouvait ouais. pas garder le même côté de Chris Columbus, qui a quand Ben même non. très bien commencé la série. Et moi, Oh le oui. réalisateur du dernier Harry Potter, excusez-moi, on cherche en ce moment. Oui. Excusez-moi, ça a coupé. Donc on a perdu un petit peu Arcturus, donc on. Ce sera pas long, on va sûrement Je pense arranger ça. que Je c'est pense que moi. Fred OK, Els c'est avait parce un que ça a vraiment coupé. commentaire. Non, c'est beau, Fred Els, j'ai t'avais-tu accroché un un commentaire? bouton. OK. Non, c'est que on cherche en ce moment, je vais recommencer. La série a vieilli avec l'âge et on ne pouvait pas garder le même début qu'avait commencé Chris Columbus, qui est monsieur réalisateur de films de jeunes. On ne pouvait pas garder cette même mentalité-là parce que sinon, là, on se serait tanné un peu. David Yates a très bien emporté la série et personnellement, si c'était juste de moi, Warner Bros., je garderais David Yates. Et quand Christopher Nolan, Christian Bale vont quitter Batman, je demanderai à David Yates, hey, ça te tente-tu le quatrième Batman? C'est pour eux Sérieusement? un reboot au moins. Un reboot, je pense pas qu'il pourrait continuer dans la Non, même ligne. peut-être. Il y aurait beaucoup de pression. Il y aurait beaucoup de pression, honnêtement, David Yates, s'il veut vraiment reprendre la série de Batman J'y laissée par ferai Nolan. confiance. J'y ferai confiance. On lui a fait confiance pour les Harry Potter. Il les a très bien menés, les 4 derniers. Il a très bien mené la job que Christopher Columbus a commencé. Il serait capable. Il serait capable. Il a très bien dirigé son équipe. En parlant de continuité de franchise, First Class des X-Men, moi j'ai adoré. Oh oui. Ah, wow. Quel film. C'est vraiment un des. Je l'avais pas mis dans mon palmarès, mais là, je l'avais oublié. Celui-là, il va Moi, très, j'avais pas très haut. oublié. Non, Je l'avais le complètement. réalisateur avec Kick-Ass qui a réalisé ce film-là a très bien su rebooter la série. Si on Oh, se rappelle X-Men 3, que à part la séquence de la fin, qui est... Oui, le combat entre tous les mutants était bien fait, mais Matthew Vaughn a bien ramené l'histoire du début de l'équipe. moi, Wolverine était c'était mauvais. mon geekasme de l'année, je pense, cinématographique, là. First Class, c'était juste écœurant. Ah, c'est le meilleur film de super-héros cette année. Michael Non, ouais. Fassbender, il l'avait-tu, Magneto? Ah, écoute, Ben oui. Magneto, c'est quel acteur? Ça, je pense que ce gars-là, on va le voir de plus en plus partout, partout, parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Il joue son rôle à la perfection, selon moi. On peut dire que Magneto a vraiment les meilleurs acteurs, ça c'est certain. Mais c'est ça, mais Ian McKellen, justement, qui joue le Magneto actuel. Ben, peu importe ce qu'on dira du troisième film, Magneto, Ian McKellen a toujours été excellent, d'après moi. C'est Gandalf, donc c'est ça. Donc Ian McKellen, c'est un excellent acteur, d'après moi. Puis moi, Kevin Bacon m'a surpris.

le gars avec la tête de robot en boîte de carton, ça, je trouvais ça drôle. Puis les cheveux un peu, je trouvais ça drôle. Mais là, plus ça avançait, plus je trouvais que ça devenait gossant. Puis sérieusement, Sexy and Annouette, là, à part des gars en string qui se la brassent, je voyais qu'il n'y a aucun intérêt avec LMFAO. C'est des clowns, tu sais. Je pense que tu prends Justin Bieber puis Cody Simpson, ça va donner LMFAO, puis c'est ben en masse. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Ah, à la LMFAO, c'est MFAO, ben. moi je te souviens que autour, j'ai rien contre ce groupe-là. Je trouve que ils réussissent à se différencier des autres. Là. Il y a moins d'autotune, moins de niaisage. Puis c'est un groupe comique. Pour moi, je les vois un peu comme une gang d'humoristes qui sont là pour faire le party, qui sont là pour avoir du fun. Ouais, Puis écoute, mais tu c'est sais, ça. moi, je trouve pas ça si dérangeant que ça comme groupe, comparé à beaucoup d'autres, là, que style Rihanna, Justin surtout Bieber, puis Rihanna. Rihanna qui sort un album par Ah, 3 semaines, c'est avec ça. tout plein de d'autres artistes. Fait que finalement, elle écrit la moitié des paroles de ses albums. C'est ça. Puis là, Non, moi, ça, ça. j'aime pas ça. Tu sais, les Britney Spears et compagnie, là, changer. À un moment donné, changer. LMFAO, quelque chose. C'est ça, ce que j'aime, c'est vraiment le côté fou, le côté malade. On enlève nos pantalons, on fait les wiggles en bobette. Il y a toujours quelque chose qui va nous surprendre de ce groupe-là. Voilà. Mais moi, ça va rester toujours du style Nirvana, Foo Fighters, que je veux vraiment voir en concert. Là. Ils vont peut-être lancer un album bientôt. Donc, j'ai hâte de voir ça, là, sérieusement, ce qu'ils vont donner, Foo Fighters. Puis, pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Sans oublier peut-être Marimé. Je vais faire un petit cliché. Je suis allé la voir en concert, vraiment sympathique comme fille. Là. Et elle s'est mariée, d'ailleurs. Donc, on la félicite avec Fred Saint-Germain, son producteur. Donc, ceci, ce qui conclut notre podcast pour cette édition du samedi 17 décembre 2012. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Vous pouvez suivre nos collaborateurs aux adresses suivantes sur Twitter. Le premier, Alexandre Armand sur Tilex89. Le deuxième est Fred D sur QC Fred. Et le troisième était Frédéric Lalonde sur Fred trait d'espacement Lalonde. Vous pouvez toujours suivre notre invité qui était Steve Lévesque sur Camelot K1L78, suite qui est aussi un site internet qui est Facteur Geek et un podcast qui s'appelle Le Week-end des Gamers qui est à tous les samedis. Nous vous invitons pour le premier podcast officiel qui aura lieu au début du mois de janvier. Vous pourrez toujours nous suivre sur Twitter. Il est possible que pendant les fêtes, nous faisons des podcasts improvisés un peu par-ci par-là, que je vais appeler des Spike Open. Je crois que ça va être une formule qu'on va très bien développer au courant des prochaines semaines. Merci encore de nous avoir téléchargés et on vous se revoit au prochain podcast. Merci beaucoup et sur ce, joyeuses fêtes!